Inmitten der Pandemie-Krise am 27. En pleine crise pandémique, 2021, le 27 octobre 2021, le conseiller fédéral et ministre de la Santé, Alain Berset, a déclaré dans l'émission Arena sur SRF, avec le certificat, on peut montrer qu'on n'est pas contagieux. Cette déclaration s'est avérée fausse. Le même jour, l'Office fédéral de la santé publique, OFSP, a annoncé que 10 personnes vaccinées avaient été hospitalisées à cause du COVID-19. La propre fonctionnaire de M. Berset, Virginie Masseret, alors responsable de la section contrôle des infections à l'OFSP, avait déjà admis le 3 août 2021 « Les personnes vaccinées contre le COVID-19 peuvent propager le COVID aussi souvent que les personnes non vaccinées. » Ce fait apparaît dans les statistiques de l'OFSP et était également connu au niveau international, par exemple par les déclarations de l'autorité sanitaire américaine CDC. Ce qui est à noter, c'est le moment choisi par le conseiller fédéral Berset pour faire cette déclaration. Un mois plus tard, les électeurs suisses ont dû se prononcer sur l'extension de l'obligation de certificat COVID. Le 28 novembre 2021, la décision a été clairement prise avec 62% de oui. Comment l'électorat suisse aurait-il voté s'il n'avait pas été induit en erreur par ces déclarations et d'autres similaires? Un conseiller fédéral suisse fait une fausse déclaration, claire et trompeuse. Presque aucun organe de presse ne l'a repris. Aucun politicien n'a porté plainte. N'y avait-il vraiment personne qui regardait? Pas tout à fait. Le 2 décembre 2022, l'ancien banquier suisse Pascal Nadjadi a déposé une plainte pénale contre le conseiller fédéral Alain Berset. Il l'accuse d'abus d'autorité au sens de l'article 312 du Code pénal, un délit poursuivi d'office. Le 19 décembre 2022, Nadjadi a informé le ministère public de la Confédération qu'un témoin était prêt à témoigner devant le ministère public. Le citoyen suisse avait appelé la hotline de l'OFSP en janvier 2021 et s'était vu répondre en substance qu'on en savait encore trop peu sur les effets de la vaccination. Même avec un vaccin, on peut être contaminé soi-même et contaminer les autres. Pascal Nadjadi n'est pas un homme sans histoire. Nadjadi est le fils du fondateur du groupe Ambank en Malaisie, qui a été assassiné en Malaisie en 2013. Sa mère est une descendante directe de Rudolf Minger, ancien conseiller fédéral suisse. Pascal Nadjadi est également producteur de cinéma. Il a produit le film suisse Grounding, Les derniers jours de Swissair, en 2006, qui a été l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma suisse. Le conseiller fédéral Berset a donc délibérément dit des contre-vérités, affirme Nadjadi. Selon lui, il a au moins fait preuve de négligence grave, si ce n'est de préméditation. À ce sujet, il a dit textuellement. Il savait. S'il dit qu'il ne savait pas, c'est une négligence grave. C'est aussi punissable. Dans une position où je fais de la politique dans un pays de 8 à 9 millions de personnes, je suis informé. C'est comme un pilote qui ne sait pas comment se diriger vers Zurich. Pourtant, Nadjadi était tout sauf sceptique face au Conseil fédéral. Il s'était fié aux déclarations du ministre de la Santé selon lesquelles le vaccin était sûr et efficace. Après tout, il s'agissait du ministre de la Santé en Suisse et pas quelque part en Malaisie. Nadjadi et sa famille se sont fait vacciner 3 fois. Mais lorsqu'à la mi-octobre, une audition a eu lieu au Parlement européen avec la manager de Pfizer, Janine Small, Nadjadi a été choquée. Small a admis ouvertement que la protection contre la contagion ne fonctionne pas. Nadjadi s'est senti trompé par les nombreuses déclarations trompeuses et incohérentes. Il s'était fait vacciner sur la base de déclarations du ministre de la Santé. Cela a incité Nadjadi à déposer une plainte pénale contre le conseiller fédéral Berset.